идем. Разрешим. Maradona, j'ai tout fait de mes mains comme Diego Maradona. Je me voyais mettre des buts au stade Maracana. J'ai fini par faire des passes sur un terrain de taga. Y'a des buts de partout, frérot, sur Betago. Y'a même des guitares qui peuvent te faire danser le tango. Et des sons sous Absolute Mango. C'est pas la joie, des fois j'ai pas un euro. C'est pas facile, des fois je suis pas heureux. Pour prendre des sous, j'ai jamais fait peureux. Ouvert sur du four, y'a déjà les baqueux. Jugement sur jugement, faut ralâcher le baveux. Me serre pas la main si devant les cœurs t'as bavé. Deux demi, faut frotter la bavette. Confinement augmente le prix de la plaquette. Avec deux doigts, je passe vitesse au palais. À l'ouverture du four, y'a une queue de fou. Y'a des morceaux à trembler, la veste et le fan. Si j'ai fait tout, j'en tiens moi et tes jours. Je suis train de vivre, frérot, faut le changer. Faut mettre du four dans les clients du jour. Si fait les comptes, après ça brûle le cahier. Mais si j'ai comme un fou, je repense à mon trou. Prier pour les lits, on a pour des années. Pour des années. Pour des années. Y'a personne quand tout va mal, y'a tout le monde quand t'es bien. Je te comporte comme une chienne, pour ça qu'attire des chiens. J'ai zoné sans frein, j'ai perdu des frères. Y'en a deux, trois égarés et quelques-uns au cimetière. Ça peut t'aimer aujourd'hui, mais ça détestait hier. 69 dans le peur, venez voir c'est qui les meilleurs. Sur le terrain, je faisais des passes, pas les mêmes coups, c'est Mawar. Mon poteau le tigre, il a de la bête de bleu, frère, elle vient d'ailleurs. Libérer les dollars, nique les matons, les miradors. Starfalla, y'a même des kits qui me disent t'adore. Disquare et Christian Dior, mais je vais mourir comme toi. 6h30, je vais dormir, ma mère, elle va au redmond. J'ai fait des tours devant bâtiment. Que le Tout-Puissant nous épargne du châtiment, hein, nous épargne du châtiment. À l'ouverture du four, y'a une queue de fou. Y'a des morceaux à prendre, la veste et l'opagne, mais j'ai fait le tour, j'en tiens moi et plus chaud. J'suis train de vivre, frérot, faut le changer. Faut mettre sur du four, dans les clients du jour. Si fait les comptes, après ça brûle le cahier. Et ça, j'suis comme un fou, j'repense à mon trou. S'il est pour lui, il en a pour des années. Pour des années, c'est pour le cahier.